aujourd'hui est différent d'hier. Sur son trône, Dieu sourit. Les hommes qu'il a conquis se prosternent et l'adorent. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'autrefois. L'œuvre de Dieu n'est-elle pas pour maintenant et pour sa gloire? Accroissant ses efforts, l'œuvre de Dieu se révèle pour un lendemain meilleur, afin que sa gloire repose sur l'homme qu'il a créé. Dieu fait de cela la règle, le principe de son œuvre. Tous ceux qui veulent coopérer se lèvent et travaillent dur pour lui, afin que plus de sa gloire remplisse le firmament. Voici le temps de réaliser de grands projets. Accroissant ses efforts, l'œuvre de Dieu se révèle pour un lendemain meilleur, afin que sa gloire repose sur l'homme qu'il a créé. Dieu, tous ceux qui sont sous le soin et la protection de son amour peuvent mettre leur capacité à profit. Dieu manipule toutes choses pour qu'elles servent à son œuvre. Oiseaux volant dans le ciel sont la gloire de Dieu en haut, tout comme les mers et les océans sont ses faits sur la terre. Comme maître de toutes choses, l'homme manifeste la gloire de Dieu. Dieu gère tout pour que tout se multiplie et s'éclate de vie. Accroissant ses efforts, l'œuvre de Dieu se révèle pour un lendemain meilleur, afin que sa gloire repose sur l'homme qu'il a créé. La gloire de Dieu repose sur toute sa création.